Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 euros. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Point de vente soumis au code de la mutualité. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du bagagiste de Roissy, Abderrezak Besseguir. Ce jeune père de famille de 27 ans est interpellé fin 2002 sur un parking de l'aéroport de Roissy où il travaille. Dans sa voiture, la police découvre deux armes et des explosifs. Le bagagiste nie farouchement. Cet arsenal terroriste ne lui appartient pas. Et il avance immédiatement une hypothèse, celle d'un complot de sa belle famille. Mais un peu plus d'un an après le 11 septembre 2001, les enquêteurs et les médias vont privilégier l'autre piste, celle du terrorisme. Parce qu'il est musulman et d'origine algérienne, Besseguir pourrait bien être coupable. Sur ce postulat, qui montre à quel point Al-Qaïda a réussi à fragiliser notre état de droit et donc nos démocraties occidentales en instaurant un climat d'inquiétude permanent, eh bien, pendant deux semaines, une partie des journalistes qui couvrent l'affaire relaient sans aucune prudence les informations que lui donne la police. La présomption d'innocence est bafouée. Jusqu'à ce que la vérité s'impose, Abderrezak Besseguir est innocent. Notre invité aujourd'hui, Hervé Brousigny, ancien directeur de la rédaction nationale de France 3 et aujourd'hui président du prix Albert Londres. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jeanne Maillard, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. Les deux tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. À 8h43, heure locale très précise, un premier avion s'est écrasé sur la première tour du bâtiment. Vous le voyez, la première tour qui était en flammes. 18 minutes plus tard... 28 décembre 2002, bientôt le nouvel an, l'heure du bilan. Pour Abderrezak Besseguir, 27 ans, c'est une année terrible qui se termine. Comme tout le monde, il a constaté la percée du terrorisme djihadiste depuis les attentats du World Trade Center. Lui qui est musulman, il a aussi perçu parfois les regards soupçonneux de concitoyens et de concitoyennes qui confondent islam, islamisme et terrorisme, ou qui veulent les confondre. D'autant que le jeune homme né en Algérie a grandi à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, un département stigmatisé qu'on regarde souvent avec suspicion. Pourtant, Abdou, comme l'appelle sa famille, est un jeune homme sans histoire qui travaille comme bagagiste à l'aéroport de Roissy depuis 3 ans. Croyant, mais pas fervent, il s'est marié religieusement en 99 avec une jeune femme rencontrée pendant ses études, Louisa Béchiri. En cette année 2002, un drame intime a frappé le jeune homme. Le 2 septembre, sa femme, la mère de leur fils, Mehdi, encore bébé, est décédée des suites de ses blessures après s'être immolée par le feu sous ses yeux. Fatia Béchiri, la mère de la jeune femme, la belle-mère d'Abderrezak donc, l'a alors accusée d'avoir tué sa fille et a déposé plainte pour homicide volontaire. Placé en garde à vue, le jeune homme a finalement été relâché car les enquêteurs ont conclu au suicide de Louisa Béchiri. D'ailleurs, ce n'était pas sa première tentative. Par le passé, elle s'était plusieurs fois coupée les veines ou intoxiquée aux médicaments. À l'arrivée des secours, après le drame, elle était encore consciente et n'avait pas accusé son mari. Mais Fatia Béchiri, elle, reste convaincue de la responsabilité d'Abderrezak. Le jeune homme était violent, affirme-t-elle, et sa fille voulait divorcer. Le dossier est classé sans suite en novembre, mais les ennuis d'Abderrezak ne font que commencer. Non seulement il doit supporter la douleur de la perte de sa femme et les accusations de sa belle-famille, mais il doit se rendre devant la justice pour conserver la garde de son fils que les Béchiri réclament en vain. À la fin de l'année 2002, épuisé, le jeune Besseguir vit désormais chez ses parents, dans leur maison de Bondy avec Mehdi, son fils, de 15 mois. Le dimanche 28 décembre 2002, il est très tôt le matin, lorsqu'il part travailler à Roissy, laissant son fils avec sa mère. Abderrezzak Besseguir est loin de s'imaginer que la France entière le connaîtra bientôt comme le bagagiste de Roissy, présumé terroriste. Une information de toute dernière minute exclusive France 3. La police vient d'arrêter, apprend-on, à l'aéroport de Roissy, un jeune homme qui transportait dans son véhicule des armes et des explosifs. Les explications d'Edouard Acosta. C'est un passager qui a donné l'alerte. Il affirme aux policiers de Roissy avoir aperçu une arme dans le coffre d'une voiture. Le propriétaire du véhicule stationné sur un parking public est rapidement identifié et interpellé. C'est un bagagiste. Quelles étaient les motivations exactes de cet employé d'origine algérienne? Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'un acte terroriste en préparation. L'interpellation de ce suspect, âgé d'une trentaine d'années, intervient après le démantèlement, ces jours derniers, d'un réseau dormant, implanté discrètement à Romainville et à La Courneuve. Sur France 3, l'arrestation du bagagiste de Roissy est immédiatement associée à des affaires de terrorisme. Le jeune homme est encore anonyme, mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que son nom ne soit livré aux médias. Il est environ 14h30, le 28 décembre 2002, quand des policiers demandent à Abderrezzak Besseguir, dont la journée vient de s'achever, d'ouvrir le coffre de sa voiture. Ils ont été alertés par le témoignage d'un homme qui affirme avoir vu un employé de l'aéroport manier des armes dans une 206 sur un parking de Roissy. Sous les yeux de la police, le bagagiste découvre avec stupeur un sac qui ne lui appartient pas. À l'intérieur, un pistolet semi-automatique et un pistolet mitrailleur tchèque, tous les deux chargés, et, sous la roue de secours, des pains d'explosifs. Le chien policier complète le travail et renifle avidement le siège bébé à l'arrière. Pour les enquêteurs, l'animal a détecté des traces de TNT. Abderrezzak Besseguir, lui, pense au sac de merguez qu'il a déposé la veille sur le siège. D'ailleurs, pour lui, TNT, ce n'est rien d'autre que le nom d'une société de transport qu'il connaît à Aulnay. Alors, sans hésiter, tout de suite, il explique que les armes ne lui appartiennent pas et qu'elles ont dû être placées là. Peut-être par sa belle-famille, qui le déteste et qui a juré d'avoir sa peau. Mais il n'est pas entendu. Menotté aux mains, puis aux pieds, il est fouillé à nu par la police de l'air et des frontières avant qu'on ne l'emmène chez ses parents à Bondy. La maison également est fouillée, sans ménagement, ni pour les lieux, ni pour la famille du jeune homme, sa mère en pleurs, son fils hurlant. Une scène traumatisante qui se termine par l'embarquement de tous les hommes de la famille. Abderrezzak, bien sûr, mais aussi son père, ses deux jeunes frères et son oncle, dont on découvre la fausse garde de séjour. Alors, pour tout le monde, c'est direction le 36 Quai des Orfèvres. En fouillant la voiture du suspect, les enquêteurs auraient mis la main sur un téléphone portable, des articles de journaux évoquant la cause palestinienne et un agenda avec les horaires des vols d'Air France. Autant d'indices en cours de vérification, car le parking se situe tout près du terminal 2F, d'où partent notamment les vols vers les USA et le Japon. Les parents du bagagiste habitent à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Dans cette maison, ornée de deux minarets miniatures, une famille sans problème pour les habitants du quartier. Le bagagiste de Roissy, dont la garde à vue a été prolongée, ainsi que celle de son père et ses deux frères, affirme ne pas savoir d'où provient l'arsenal saisi dans sa voiture. Un mutisme qui fait dire aux enquêteurs du Quai des Orfèvres que l'homme veut peut-être gagner du temps pour couvrir d'éventuels complices. En garde à vue, le bagagiste de Roissy se mure dans le silence, entend-on aussi bien sur France 3 que sur France 2. Ce qui est faux. Abderrezzak Besseguir n'est pas mutique. Au contraire, il ne cesse de crier son innocence. La seule explication plausible qu'il puisse imaginer, c'est une machination de ses beaux-parents. Alors il parle aux enquêteurs du suicide de sa femme, des accusations d'Ebéchéri, des plaintes que sa famille a déposées contre Fatia Béchéri pour harcèlement. Les parents de sa femme l'ont empêché d'assister à l'enterrement de Louisa et ils ont promis d'avoir sa peau, explique-t-il. De son côté, Hichem Besseguir, le petit frère du bagagiste, évoque lui aussi la famille Béchéri, et en particulier la mère, Fatia, qui semble prête à tout pour se venger pour la mort de sa fille. Un meurtre, est-elle persuadée. Par le passé, Fatia Béchéri aurait écrit à l'employeur du jeune Hichem, une banque, l'accusant de détourner de l'argent. La sœur d'Abderrezzak Besseguir le confirme à la télé, elle évoque même des menaces. Mon frère est victime d'une machination, d'un complot contre lui. Je vois pas du tout comment il aurait pu se procurer des explosifs. C'est absolument pas le genre de mon frère. C'est un garçon très calme, sérieux. Abderrazak Besseguir pratiquait le Coran des talibans, dénonçait beaux-parents devant la police, et il voulait obliger leur fille Louisa à porter le voile. Des affirmations qui ne collent pas avec les témoignages des proches du jeune homme, mais qui vont dans le sens de la piste terroriste privilégiée par la plupart des policiers en charge de l'affaire. En réalité, et même s'il s'est mis à prier plus régulièrement depuis la mort de sa femme, le jeune père de famille n'est pas pratiquant, en tout cas pas très. Quant aux indices dont parlent les médias, ils ne prouvent pas grand-chose. S'il a incarné des horaires de vol, c'est parce qu'il travaille à l'aéroport. Et le tract pro-palestinien de la boîte à gants n'a rien d'un signe d'allégeance au djihad. Pendant sa garde à vue, Abderrazak pointe des incohérences. Par exemple, quand le témoin l'a vu ranger des armes dans le coffre de sa voiture à 6h30, Abderrazak était déjà au travail. Il n'y a qu'à interroger ses collègues et on verra bien que le témoin a dit n'importe quoi. D'ailleurs, pourquoi cet homme était-il sur ce parking, un dimanche à l'aube, hein? Non, pour le bagagiste, rien ne colle, et pourtant, personne ne l'écoute, ni les enquêteurs, ni le juge d'instruction antiterroriste, Gibertil. Et pour cause, du côté de la justice et de la police, on a le sentiment que sa religion et ses origines algériennes suffisent à faire de lui un coupable. Insultes, claques, chantage. Le jeune homme, toujours présumé innocent, constate la violence de certains policiers de la brigade criminelle. Pendant les 96 heures que dure sa garde à vue, Abderrazak Besseguir pense à son fils Mehdi qui l'attend chez ses parents. De cellule en cellule, de bureau en bureau, de fouille en fouille, la colère, la peur et la honte se mêlent et grandissent jusqu'à ce que, à bout, il s'ouvre le poignet avec le papier d'un paquet de cigarettes. Examiné par un médecin, il se voit prescrire des tranquillisants. Le 31 décembre 2002, ses frères et son père sont enfin libérés. De sa cellule du 36 quai des Orfèvres, Abderrazak Besseguir entend les feux d'artifice du jour de l'an et la télé. Dans l'enquête sur le bagagiste de Roissy, la piste terroriste est de plus en plus privilégiée. Abderrazak Besseguir, arrêté samedi en possession d'explosifs, a été mis en examen hier soir pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et ce matin, le journal Le Parisien révèle par ailleurs que des traces d'explosifs auraient été retrouvées dans le vestiaire du bagagiste, ce qui contredirait la thèse du complot avancée par sa famille. Mis en examen par le juge antiterroriste Gibertil, Abderrazak Besseguir est placé en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis. Il prend sa première douche depuis 5 jours. Et il peut aussi consulter un psychiatre pour traiter les angoisses et les insomnies qui le tourmentent. Auprès des autres détenus, il comprend l'ampleur de la médiatisation de son affaire. Son visage est sur tous les écrans, dans tous les journaux. Certains journalistes, tout de même, se montrent prudents et font preuve de réserve d'usage quand ils relaient à la fois la piste terroriste et celle du complot familial. D'autres, en revanche, se montrent moins nuancés et moins respectueux de la présomption d'innocence, qu'ils soient réellement convaincus de la culpabilité de Besseguir ou qu'il s'agit seulement de booster les ventes par des titres chocs. Le magazine VSD, par exemple, dans un article intitulé « France, une nouvelle espèce de terroriste », n'hésite pas à comparer le bagagiste de Roissy au chef du commando du 11 septembre 2001. À l'image de Besseguir, écrit le journaliste, des dizaines de terroristes dormants attendraient en France. Mais c'est le quotidien Le Parisien qui se distingue tout particulièrement en ce début d'année 2003 par des titres à charge qui accréditent chaque jour un peu plus la piste terroriste. Bagagiste de Roissy, la piste terroriste confirmée. Le bagagiste trahi par des traces d'explosifs. Le portable du bagagiste mène à la mouvance islamique. Ou encore, le bagagiste confondu par son portable. Une partie des médias n'hésite pas alors à s'appuyer sur ces articles du Parisien comme s'il s'agissait de preuves. qui se souvient aujourd'hui qu'à la veille de ce France-Algérie, début octobre 2001, les policiers arrêtaient à Sartrouville quatre militants islamistes qui prévoyaient, semble-t-il, un attentat au Stade de France. Des Algériens proches du Takfir, un groupe ultra-radical. Or, c'est avec l'un de ces quatre hommes qu'Abderrazak Besseguir aurait été indirectement en contact, si l'on en croit le quotidien Le Parisien. C'est le portable du bagagiste de Roissy qui commencerait à parler. Selon nos informations, ce contact avec des islamistes aurait été donné à Besseguir par deux autres bagagistes de Roissy qui intéressent tout particulièrement les enquêteurs. Des révélations qui, si elles se confirment, mettent à mal la thèse du complot défendue notamment par le jeune frère de Besseguir et le portrait que nous brossait dernièrement du bagagiste, l'avocat de la Défense. Contrairement à ce que suggère France 3 en reprenant l'info du Parisien, Abderrazak Besseguir est loin d'avoir été en contact direct ou indirect avec des terroristes islamistes. Trois mois avant son arrestation, il a seulement téléphoné à un délégué syndical de l'aéroport de Roissy qui lui-même, par le passé, aurait été en relation avec un homme soupçonné d'avoir participé à la préparation d'un attentat. Plus capillotracté, on ne fait pas. Et au fait, la piste du complot de la belle famille, celle qu'Abderrazak Besseguir, sa famille et ses amis font valoir depuis le début de l'affaire, eh bien ne trouve pas sa place dans les pages des quotidiens français, ou alors si peu. Et puis, étrangement, quand il s'agit d'une possible vengeance des Béchiri, les infos ne fuitent pas. Pourtant, les investigations ont montré que les Béchiri ont contacté l'ancien propriétaire du véhicule d'Abderrazak Besseguir pour lui demander le double des clés de la 206. Indice troublant, tout de même, mais que la police manifestement ne relaie pas, au cas où cela nuirait à sa construction, celle d'un coupable. Le 7 janvier 2003, c'est France 3 qui franchit un cap. Dans les journaux du soir, la chaîne annonce qu'une mallette de détection d'explosifs a été découverte dans le casier du bagagiste à Roissy. Pour corroborer ses propos, deux délégués syndicaux de la police donnent des précisions. Qui est vraiment Abderrazak Besseguir? Alors que le bagagiste nie toute implication dans une entreprise terroriste, les éléments matériels découverts par les policiers accréditeraient la thèse selon laquelle Besseguir était en contact étroit avec un groupe structuré, un réseau où il aurait pu jouer le rôle de passeur. Dans son vestiaire, à l'intérieur de la zone aéroportuaire, les enquêteurs ont découvert une mallette de détection d'explosifs, une mallette semblable à celle-ci, dont nous nous sommes procuré la photo sur le catalogue d'une société spécialisée en armement. L'explosif caché dans le coffre de la voiture du bagagiste est lui aussi de type militaire, de la tolite. En analysant les emballages des pains de plastique, la police technique et scientifique a pu en extraire trois ADN, ADN qui seraient différents de l'empreinte génétique du suspect. Malgré un casier judiciaire vierge, Abderrazak Besseguir serait quand même connu des renseignements généraux, décrit comme pouvant entretenir des liens avec une mouvance islamiste. L'interpellation fortuite par la police de l'air et des frontières du bagagiste a peut-être gêné d'autres investigations en cours par manque de coordination. L'information, également relayée par l'Express, est fausse. En réalité, les enquêteurs ont trouvé une photo de cette mallette dans un catalogue découvert dans la 206 d'Abderrazak Besseguir, catalogue qu'il dit n'avoir jamais vu. Le juge d'instruction, Gilbert Thiel, envoie alors un fax à la brigade criminelle et lui dit en substance « ça suffit ». Arrêtez de parler aux médias et surtout pour leur raconter n'importe quoi. Car l'information, déformée jusqu'à l'ineptie par différents intermédiaires, vient forcément de la police. Et dans ce cas précis, il semblerait même, ainsi que le suggère le journaliste du Figaro Aziz Emouri, que les fuites découlent de sources haut placées. Comprenez, ce serait le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui aurait parlé aux journalistes du Parisien des pseudo-contacts retrouvés dans le téléphone d'Abderrazak Besseguir. Mais comment vérifier? Se demande le journaliste du Parisien Frédéric Vézard sur France 2, alors qu'il tente de se justifier comme il peut. On n'est pas à l'abri aussi des erreurs des enquêteurs. Enfin, voilà, l'une est infaillible et effectivement c'est à nous d'aller le plus loin possible pour vérifier ce qu'ils nous racontent. On n'a pas les moyens des policiers et donc... Tout ce qui était source institutionnelle, qu'elle soit officielle ou non, tout le monde allait dans le même sens. Et a priori, des institutions comme la justice ou la police ont plus de poids, peut-on penser en tout cas en termes de qualité d'info, que des gens qui sont proches, qui font partie de la famille du mis en examen, bon, qui sont forcément, qui ont vraiment envie de le défendre, etc. Aujourd'hui, le bagagiste de Roissy. France Inter, affaires sensibles. On a même reçu des lettres de menace à domicile. Vous disant quoi? Rentrer chez vous, sale arabe, aller élever vos chèvres en Algérie, des choses comme ça. Pourquoi vous avez gardé tous ces articles? Pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Si on pouvait revenir sur cette histoire, il faudrait que ça se passe comment? Nous accorder un peu plus de crédibilité et d'éviter les amalgames et les raccourcis. Les médias ne sont pas gênés pour en faire. Dans cette archive, c'est Hichem Besseguir, le petit frère d'Abderrezak, qui s'exprime sur France 2. Avec sa sœur Samira, il et elle multiplient les interventions pour contredire les informations que la police laisse fuite et qui sont ensuite relayées, voire déformées, par certains journalistes. D'autant que, du point de vue de la famille, l'enquête est entièrement à charge. Hichem, Samira et Mohamed Besseguir, terrifiés et révoltés par la possibilité que leur frère soit condamné, vont alors agir et mener l'enquête eux-mêmes. Depuis le début de l'affaire, ils sont convaincus que Marcel Le Hir, le témoin qui dit avoir vu le bagagiste manier des armes dans le coffre de la 206 à Roissy, est lié aux beaux-parents d'Abderrezak, les Péchiri. Les enquêteurs de la brigade criminelle eux-mêmes ont questionné la crédibilité de cet ancien militaire, mais ils n'ont rien vu qui puisse le mettre en cause. Sauf que les Besseguir, eux, vont trouver. Le 5 janvier 2003, ils remettent à la police une vidéo des fiançailles d'Abderrezak et de Louisa Béchiri sur laquelle on voit Marcel Le Hir discuter avec Djilali Difala, l'oncle de la jeune femme. Pour le 36 Quai des Orfèvres, c'est un élément important, celui qui leur manquait pour orienter l'enquête vers la piste du complot familial. Enfin ! Et ce n'est pas tout. Le 6 janvier, soit 9 jours après l'arrestation du bagagiste, Samira Bessaghir apporte un nouveau témoignage. Une voisine de Djilali, donc le frère de Fatia Béchiri, affirme avoir vu cette dernière la nuit des faits avec deux hommes qui portaient des sacs. Alors, le doute s'installe au sein de la brigade criminelle. D'autant que d'autres éléments troublants sont déjà apparus au cours de l'enquête, comme l'explique Étienne Monin sur France Inter. Depuis samedi, le bagagiste de 27 ans clame qu'il est victime d'une cabale menée par sa belle-famille qui aurait, selon sa version, déposé l'arsenal dans sa voiture pour se venger après le suicide de son épouse en juillet dernier. Alors, faute de certitude, les enquêteurs vérifient maintenant la version du témoin qui a déclaré avoir compris qu'il y avait une arme dans la voiture vers 7h40 ce samedi lorsque Bessaghi s'affaire près du coffre. Or, à 7h40, le bagagiste, ce jour-là, est censé travailler sans possibilité de s'absenter. C'est en tout cas ce que dit son employeur. Par ailleurs, le passé judiciaire du témoin est chargé. L'homme qui dit être un ancien légionnaire, actuellement embauché dans la protection rapprochée, a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour une affaire d'armes. Ça ne veut rien dire sur la qualité de son témoignage, mais forcément, ça rajoute le trouble sur cette affaire. Effectivement, dans cette affaire, certains éléments ne collent pas. Certains indices n'en sont pas. Et la brigade criminelle le sait depuis les premiers jours de l'enquête. Omnubilés par la question du terrorisme, les policiers préfèrent d'abord fermer les yeux sur les incohérences qu'ils notent pourtant, ça et là, et de plus en plus nombreuses. Le témoin, Marcel Lehir, par exemple, décrit un homme au crâne rasé, ce qui n'est pas le cas d'Abderrazak. Par ailleurs, il n'y a aucune empreinte, ni sur les armes, ni sur les sacs, ni sur les gants retrouvés dans la 206. Et puis, tous ceux qui ont connu Bessaghir le disent, il n'a pas le profil d'un terroriste, pas du tout. Et les enquêteurs s'en rendent compte. Sa défense, qui n'a pas bougé d'un iota depuis qu'il a été arrêté, est corroborée par des témoignages et des preuves. Ses beaux-parents le détestent et pourraient être prêts à tout pour le punir, eux qui le considèrent comme responsable de la mort de leur fille. Outre la présence de Marcel Lehir aux fiançailles d'Abderrazak et Louisa, les policiers découvrent un autre élément capital. Le samedi 28 décembre 2002, à 4h30, quelques heures avant que le témoin soit venu dénoncer le bagagiste à la police, il a téléphoné à un certain Patrick Pouchoulin, un nom déjà présent dans le dossier. Oui, c'est un proche des époux Béchiri, ex-moniteur d'auto-école, devenu détective privé, qui les a aidés au moment de la mort de Louisa. Le 9 janvier 2003, Marcel Lehir et Patrick Pouchoulin avouent. Ce sont eux qui ont placé les armes dans la voiture du bagagiste de Roissy. Ils sont écroués avec les époux Béchiri et Djilali Difala, le frère de Fatia. Les proches d'Abderrazak apprennent la nouvelle au journal de 13h à la télé. Leur fils, leur frère, leur ami va être libéré. Il est bien innocent. Le 10 janvier 2003, amaigri, Abderrazak Bessaghir quitte la prison de Fleury-Mérogis après 13 jours de calvaire. Et une meute de journalistes l'attend, décrit Serge Martin sur France Inter, en introduction du reportage de Laurent Garia. Effervescence, tension malgré le froid piquant à la sortie du jeune bagagiste qui a commencé par embrasser ses proches, puis qui s'est avancé très lentement vers la presse, parquée derrière deux barrières. Mais Abderrazak Bessaghir n'a pas parlé comme on aurait pu s'y attendre, non. Il a fixé les journalistes avec un regard très noir et a prononcé ces quelques mots, je cite, « Laissez-moi tranquille, allez voir mon avocat et la prochaine fois réfléchissez un peu avant d'écrire n'importe quoi. » Puis, entouré par son jeune frère et sa sœur, sa mère, et avec dans ses bras son petit garçon, le jeune bagagiste soupçonné de terrorisme pendant 10 jours s'est engouffré dans une Clio rouge, direction Bondy. Quant à l'avocat, il n'a pas voulu jeter de l'huile sur le feu. Pour lui, la justice a bien fonctionné et a mis fin au calvaire de son client que certains ont voulu diaboliser. Devant la prison de Fleury-Mérogis, Laurent Goria, France Inter. France Inter, France 3, L'Express ou encore Le Monde parlent d'un rebondissement, trahissant ainsi par le choix des mots le parti pris qui a longtemps été celui des enquêteurs dans cette affaire. Car de rebondissement pour Abderrazak Bessaghir et ses proches, il n'y en a pas. Ce sont les époux Béchiri qui ont organisé cette machination. Ils le disent depuis presque 2 semaines. Le soir de la libération du bagagiste de Roissy, les journalistes se bousculent pour entrer dans le pavillon de ses parents afin de recueillir leurs premières impressions. L'image rappelle en miroir celle des policiers fouillant sans ménagement l'intimité de la famille 13 jours auparavant. Devant les caméras de France 2, Abderrazak a le regard perdu, comme un homme sonné par 13 jours d'horreur. Je suis content de retrouver les miens déjà, mon fils. Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Là, le moral, il est pas. On va pas vous dire que je suis au top, quoi. Ouais, on les a comptés, les heures, les minutes, les secondes. C'était dans un domaine qui nous correspond pas, être en prison pour quelque chose qu'on n'a pas fait, on n'a jamais commis, alors qu'on a essayé de garder un train de vie au plus correct, le plus normalement possible. Je réalise pas encore, franchement, parce que j'étais. Moi, ça y est, j'étais aux yeux de tout le monde, j'étais quelqu'un, on m'avait accolé une image, une étiquette, et je pensais que voilà, quoi. J'étais oublié au fond du trou et qu'aujourd'hui, ouais, je fais encore confiance en la justice. Même si elle me doit encore des explications dans aujourd'hui. 19 mai 2004, un an et demi après la libération d'Abderrazak Besseguir, s'ouvre le procès de Patrick Pouchoula, Marcel Lehir, Djilali Ifala et les époux Béchiri. Accusés de dénonciation d'un crime ou d'un délit imaginaire à une autorité judiciaire ou administrative. Ce 19 mai, au tribunal de Bobigny, l'instruction révèle les détails de l'enquête. Patrick Pouchoula, amis des Béchiri et Marcel Lehir, à qui ils ont fait appel, ont suivi Abderrazak jusqu'à Roissy le 28 décembre 2002 au petit matin afin d'y déposer des armes et des explosifs avec l'idée de le faire passer pour un terroriste et qu'on l'emprisonne. Les deux compères, autopromus justiciers, expliquent qu'ils ont accepté de rendre service aux Béchiri dont ils partageaient la douleur suite à la perte de leur fille. Selon eux, c'est Djilali Ifala, l'oncle de Louisia, qui aurait fourni les armes et le passe-partout pour ouvrir la 206. Mais ce dernier, ainsi que les époux Béchiri, nient toute responsabilité, même s'ils reconnaissent tous avoir été mis au courant de cette machination. Lehir et Pouchoula ont agi de leur propre chef, affirme-t-il. Les loups se mangent entre eux. Mais alors que la justice cherche à démêler la vérité sur ce complot, c'est un autre procès qui se tient en creux, celui de Besseguir que Fatia Béchiri accuse à la barre de violence conjugale et du meurtre de sa fille Louisa. Francis Wim, l'avocat de Patrick Pouchoula, défend cette stratégie. Meurtre, suicide, jamais on ne le saura. Mais en tous les cas, la responsabilité, à tout le moins morale, d'Abderrazak Besseguir dans ce drame est un élément à prendre en considération. Je souhaite effectivement que soit posé le problème des conditions atroces dans lesquelles est morte Louisa, la femme d'Abderrazak Besseguir. Si on ne met pas ça au cœur du procès, je ne vois pas comment on peut juger cette famille et leur ami Patrick Pouchoula. Fatia et Ahmed Béchiri, les beaux-parents d'Abderrazak, comparaissent libres ce 19 mai 2004. Assoiffés de vengeance, écrit le Parisien, tandis que Jacques Durand, dans Libération, décrit avec respect la souffrance d'une mère dévastée par la mort brutale de sa fille. Car la souffrance de Fatia Béchiri envahit la salle d'audience ce jour-là. « J'ai assisté à la décomposition vivante de ma fille », explique-t-elle. « Abderrazak frappait Louisa et il l'a tuée parce qu'elle voulait divorcer », accuse-t-elle. Comme pour justifier d'avoir voulu se faire justice elle-même. La mère de Louisa ne peut plus supporter le non-lieu prononcé dans le procès pour homicide qu'elle avait intenté contre son gendre. À l'issue de leur audience, les époux Béchiri, Djilali Ifala, Marcel Lehir et Patrick Pouchoula sont condamnés à 20 mois de prison, dont 14 avec sursis et à 15 000 euros de dommages et d'intérêts. Abderrazak, lui, n'a pas assisté au procès. Très éprouvé par la mort de sa femme, puis par sa détention et le retentissement de l'affaire, il traverse depuis plusieurs mois une profonde dépression qui l'empêche de travailler. « Ma vie ne m'appartient plus », explique celui qui est devenu, malgré lui, un symbole. Oui, symbole de l'islamophobie ambiante qui ronge la France, selon certains. Symbole de l'efficacité de la justice, selon le garde des Sceaux, Dominique Perben, qui se félicite à la télé que policiers et magistrats aient disculpé si vite ce garçon, malgré les apparences qui étaient extrêmement fortes contre lui. Je reprends ses mots. Abderrazak, qu'on arrête régulièrement dans la rue pour lui serrer la main, souffre de la célébrité et des regards compatissants. Quelques mois après sa libération, il se raconte à Thierry Ardisson sur le plateau de Tout le monde en parle, sur France 2. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes aussi détruit qu'après le décès de Louisa. Vous n'avez plus de voiture, vous êtes suivi par un psychologue, vous êtes sous tranquillisant. Ça va pas mieux, là? Ça va, quand on a été ennemi public numéro 1 pendant 15 jours, on vous relâche de Fleury-Mauregis, J'avais ma mère et mon enfant, et ainsi que mes amis et ma proche famille qui sont venus me récupérer à la sortie de la prison. Puis après, il n'y a eu plus rien. Ouais. Comment voulez-vous vous réadapter, vous réhabiliter dans cette société? C'est la même société qui m'a mis dans cet état-là. Je pense que là, minimum, j'aurais peut-être reçu des excuses, ou j'aurais peut-être rencontré les personnes qui m'ont peut-être giflé, ou les personnes qui ont commandité le fait qu'on m'envoie en prison, tout simplement des excuses. Ou lorsque vous voyez des journalistes qui s'expriment alors qu'ils ont inventé une histoire de mallette, ils ont failli trouver un tank presque, gare à Roissy. Ils n'étaient pas loin de trouver un tank. Mais ces gens-là, aujourd'hui, même à la télévision, ils se refusent de s'excuser. C'est... Ouais. Je sais pas où on va, quoi. Vous dites ma vie a été violée. C'est clair, aujourd'hui, ma vie m'appartient plus, puisque tout le monde sait ce qui se passe dans ma vie, quoi, ce qui s'est passé dans ma vie, donc... Quelque part, le jardin secret, on l'a compte. Compte tenu de ça, Abderrazak, vous allez rester ici en France, vous allez continuer à vivre en France. Inch'Allah. Abderrazak Besseguir a été innocenté, les coupables ont été condamnés, mais rien ne peut effacer ce qu'il a traversé. Ni les 1500 euros qu'il a reçus au nom de sa détention injustifiée, ni la condamnation de France 3 pour diffamation en 2005, suite à la fausse information concernant une prétendue mallette d'explosifs que la chaîne avait relayée, ni les excuses qui ont été faites aux bagagistes par le procureur de la République Yves Beau et la rédaction de France 3, non. Rien ne peut effacer le traumatisme des claques reçues en garde à vue et la violence du dédain quand la justice elle-même parle d'une enquête exemplaire. Non, rien ne peut effacer la douleur de voir les jouets de son enfant écrasés par les chaussures d'un policier lors d'une perquisition. Rien ne peut effacer la honte d'avoir vu son nom jeté en pâture par la justice et les médias de son pays. Parfois, rien ne peut effacer la colère comme la souffrance. Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue, longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien, l'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le bagagiste de Roissy, notre invité Hervé Brosini. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur de la rédaction nationale de France 3, président du prix Albert Londres. Tiens, j'ai vu ce matin que les appels à la candidature pour le prix Albert Londres s'est terminé le 19 juillet. Voilà. Oui, ils sont ouverts à la fois pour la télé, le livre et la presse écrite. Alors, ce récit ressemble à un procès de la presse que nous ne faisons pas. D'ailleurs, on essaie simplement d'être honnête par rapport à notre propre travail. Et on va y revenir. Mais ne nous trompons pas de cible. Qui donne les mauvaises informations dans sa volonté de fabriquer un coupable, sinon la police? Est-ce que la police n'est pas la première responsable de ce qui s'est passé? Si vous voulez, moi je suis catastrophé. Par quoi? Par tout ça. C'est une histoire qui est une monstruosité pour le métier. Vous voyez, vous m'avez remis dans l'état dans lequel j'étais. Ce soir-là, j'étais sur le périphérique. Il y avait déjà plusieurs jours que, très franchement, ça n'allait pas du tout, ce traitement journalistique. Ça ne collait pas, comme vous l'avez dit. Et donc, arrive l'information sur le blanchiment absolu que je pressentais de M. Bességuir. Et j'étais en scooter, et ce qu'il ne faut pas faire, j'avais dans l'oreille France Info. J'ai fait demi-tour et je me suis dit, cette fois c'est trop. Je suis arrivé à la rédaction pour le soir 3 et j'ai dit, je vais présenter mes excuses par un papier argumenté. Stop. Les excuses, on va les écouter. Ah. Hein, ça remonte au 22 mai 2003. Écoutons vous. Abderrazak Bességuir, le bagagiste de Roissy, a bénéficié aujourd'hui d'un non-lieu. Victime d'un complot de sa belle-famille, il avait été interpellé pour terrorisme à la fin de l'année dernière. Il avait été écroué une dizaine de jours. Il vient donc d'être blanchi de toutes ses accusations. Eh oui, Laurence. Et le jour où une dépêche de l'AFP nous a alertés sur le fait que tout cela n'était qu'un complot, bien sûr, nous avons immédiatement téléphoné au juge Gilbert Hill, chargé du dossier, pour en avoir confirmation et connaître les détails. Le magistrat nous a précisé les circonstances rocambolesques de cette affaire. Et notre premier réflexe a été de faire entendre cette vérité nouvelle dans toutes nos éditions. L'horloge de l'information de France 3 ne s'est jamais arrêtée à l'heure de la culpabilité d'Abderrazak Bességuir. Mais nous devions aller plus loin, car nous avions parlé d'une mallette de détection de produits chimiques prétendument retrouvée dans le casier personnel du suspect. Alors il fallait faire toute la lumière sur cette fausse information. D'où venait-elle ? Édouard Acosta nous l'a expliqué dans notre édition précédente. En fait, tout venait d'une photo glissée dans un catalogue retrouvé dans la voiture de M. Bességuir. Une énième manœuvre du fameux complot. Et de fil en aiguille, à l'écoute des enquêteurs, cette photo est devenue une mallette cachée dans un casier. Alors le soir où M. Bességuir, ce soir, reçoit un non-lieu de la part de la justice, la moindre des choses était pour nous de lui expliquer, de vous expliquer, quelle était l'origine de notre erreur. Le temps pour nous de pouvoir présenter des excuses éclairées. C'est aussi ça le journalisme que pratique la rédaction nationale de France 3. Hervé Brosini, vous vous êtes senti mieux après ça ? Pas vraiment. Ouais. Pourtant, ça aurait pu être libératoire. Oui, mais non, parce que quand on a fait le mal que nous avons fait à M. Bességuir et sa famille, ça n'est pas deux minutes passées au journal qui lavent ce qu'il a vécu. Ça n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et moi, ça me met dans une colère noire, ça. Parce que c'est une double faute, une faute d'abord déontologique. Ça veut dire que sur les fondamentaux du métier, on n'a pas recoupé l'info, on n'a pas multiplié les sources, on n'a pas cherché à tirer au clair et à prendre de la distance, au moins de la précaution, nom de Dieu. Et deuxième point, l'éthique. L'éthique, c'est le respect des gens. Et où est le respect des gens, là ? Il s'est transformé dans une sorte de scénario épouvantable du coupable idéal, avec tous les relents que ça a derrière, de la part de la police dont vous venez de parler. Et d'un contexte aussi, il y a un contexte. D'un contexte, évidemment. Ouais. De parano. De parano général. Et donc, tout ça montre à quel point quelque chose dont nous parlons peu, finalement, à savoir déontologie et éthique, sont absolument indispensables dans ce métier, puisque nous pouvons faire des désastres, provoquer des désastres dans la vie des gens. Alors que nous pouvons aussi apporter des solutions, parfois, grâce à la presse, des choses se résolvent, s'arrangent, donc il y a un côté lumineux, et il peut y avoir un côté sombre, comme ça, effectivement. Mais vous savez, le côté lumineux, moi, c'est la vérité qui m'intéresse. C'est-à-dire de montrer qu'on peut produire de la vérité. Ça faisait 2 ans que j'étais dans la rédaction, on m'avait confié les clés de cette rédac, et j'avais décidé que l'enquête était le cœur de notre métier. On avait créé Pièces à conviction, on s'était attaqué à des grandes choses comme la cassette Méry, l'affaire Dils, le Bougalet de Braise, et après on a eu Outreau, autre épouvantable scénario. Il y avait eu l'affaire Allègre-Baudis. Évidemment. Terrible. absolument terrible, ravageuse. Et donc, si vous voulez, cette affaire, moi, elle a été comme une sorte de clignotant terrible qui fait que je m'intéressais à l'histoire du journalisme, à la manière dont, peu à peu, nous avions conduit la recherche de la vérité, le reportage, comment on avait créé une charte. En 1918, on crée une charte parce que on a raconté des bobards épouvantables, que les balles allemandes caressaient les chairs et qu'elles ne faisaient aucun dégât. Vous imaginez la tête des poilus avec leur gueule cassée. Dans les faits divers, on avait créé des fausses histoires, créé des faux coupables pour vendre. Et donc, être, comment dire, éclairé par cette histoire nous permet aussi, je le pense, de faire face à ce grand délire actuel de massacre de la vérité par l'image, par la fausse information et bien sûr par le péril de l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui. Finalement, Bességuir, Monsieur Bességuir, parce que c'est bien le moindre des respects que je lui dois, même 20 ans plus tard, eh bien c'est une des balises d'alerte indispensables sur notre métier. Alors, vous évoquez ce qu'on appelle le retour d'expérience, et qui est vertueux, mais est-ce qu'il est respecté ? Parce que c'est pas le tout de dire il y a un retour d'expérience, c'est formidable, encore faut-il en tirer parti. Je pense que, en 20 ans, les choses ont beaucoup évolué. Regardez, France Info s'est dotée d'une cellule, il y a bien longtemps déjà, de vérification. Et qui fonctionne avec la télé, le web et la radio. Comme chez nous. Mais je parle du France Info qui est chez vous et qui est du côté France Télé. Et puis, il y a aussi, par exemple, des cellules de vérification des images qui permettent de ne pas accréditer la première image venue et qui peut être... Et qui sera fake news. Exactement, complètement bidouillée. Donc, on voit que les procédures, aujourd'hui, se sont quand même mises en place. Évidemment, il manque, de mon point de vue, le côté historique. Alors, on peut considérer que c'est ringard, que c'est un truc de vieux con. De quoi ? Mais l'histoire de notre propre de construction, si vous voulez. Parce qu'il y avait un avant, le journalisme. Et que peu à peu, ce que nous vivons, y compris des catastrophes, nous les avons déjà vécues, avec des crises de confiance épouvantables. C'est pour ça que j'ai tenu aussi à expliquer. Parce que c'est le service public. Et que ce que nous défendons est capital dans la vie politique et des citoyens. Le privé aussi, je ne fais pas de distinguo. Mais enfin, nous avons une responsabilité accrue. Vous vous souvenez de Timmy Sohara ? Je m'en souviens d'autant plus que j'étais à l'antenne. Est-ce qu'on a tiré les leçons de ça ? Pas totalement, la preuve. Écoutez, le journalisme n'est pas un métier infaillible. Il reste une activité humaine. Mais comme je l'ai dit à l'époque, si on n'arrête pas les horloges, c'est ça le principal. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut dire en quoi on est parti dans l'erreur, dans l'infamant, et tenter d'apporter la rectification. On se retrouve vers les Brusini dans 2 minutes et demie, le temps d'écouter The National Tropics Morning News. Wanted to say it slow and perfect, but it it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange when all my thinking got mangled. And I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd like. Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Hervé Brousigny, à la première question que je vous ai posée concernant la responsabilité des policiers, vous m'avez dit, si vous voulez, vous êtes passé à autre chose, mais vous êtes passé à l'essentiel du sujet. Donc, c'est très bien. Mais moi, je vais revenir à ma première question. Oui. Quelles sont les relations qui vous paraissent souhaitables, voire idéales, qu'il faut mettre en place entre la presse et la police? Parce que finalement, il y a... Je ne vais pas parler de partenariat, mais sur certaines affaires, nous avons besoin des informations de la police. La police ne gêne pas pour se servir de nous également quand elle le veut. Donc, quels sont les liens qu'il faut établir? Celle qui est préconisée par notre déontologie précisément, c'est-à-dire considérer la police comme étant une source parmi d'autres. Parmi d'autres, ouais. Et c'est là que se trouve l'essentiel. Si vous restez sur, le bas-côté du comptoir, à prendre le pot avec le policier, à noter, à répercuter le soir, mais vous êtes indigne de votre fonction de journaliste. L'idée, c'est précisément la confrontation, le recoupement. C'est une histoire vieille comme le monde, cette affaire de vérification de l'information. Non, on ne dirait pas, parce que le courage que ça implique, en tout cas la simple fatigue, moi j'appelle ça une passion de pouvoir enquêter et donc de voir toutes les parties prenantes d'une affaire me semblent parfaitement indispensables. Pardon, mais c'est un truisme absolu. Et c'est quand même incroyable que vous et moi, on rappelle ça encore. C'est vrai que l'affaire de Monsieur Bességuir montre l'importance et que peut-être il peut y avoir, dans des emballements collectifs, avec les réseaux sociaux, ce même genre de pointage sur une personne, une situation. On voit ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi que on met en place, encore une fois, des stratégies où la fake news est devenue une obsession de tous. Et c'est bien normal. Alors, ce qu'il faut aussi à côté, c'est que le reportage en tant que tel, d'aller sur le terrain du pont de Ligonnès, extraordinaire, absolument. Emblématique, hein. Eh bien, c'est un reporter qui a permis de considérer que celui qu'on était en train de pointer comme étant Monsieur Dupont de Ligonnès ne pouvait manifestement pas l'être. Avec des constats extrêmement simples. Alors, il y a un autre problème déontologique, ce qu'on pourrait appeler le suivisme. Là, on le voit, le Parisien balance des infos, et puis tout le monde suit, c'est le syndrome du merle. Vous savez, vous avez un merle sur une branche, s'il y a un merle qui s'en va, tout le monde suit. Le suivisme, aujourd'hui, peut être numérique, il est pire que tout. Mais ce suivisme, je dirais, avec le Parisien, apparaît comme archaïque. Oui, vraiment, c'est ça. Oui, à l'époque, c'est ça, et évidemment, et c'est ce qui frappe. Et donc, on voit une sorte de viralité au petit pied, si vous voulez, la viralité du print, comme on pourrait dire aujourd'hui. Aujourd'hui, la viralité monstrueuse peut être bien plus puissante. C'est pour ça que, encore une fois, les réflexes déontologiques et éthiques, deux mots que je redis, on ne prononce peut-être pas assez aujourd'hui. Parce sont que plus nécessaires que jamais, en gros. Ben oui, c'est notre qualité de journaliste de dire, OK, vous n'avez plus confiance en nous, mais sachez que nous possédons une déontologie, une éthique, et qu'on va faire une chose, c'est qu'on va vous rendre des comptes. Bien. Alors, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup travaillé dans l'audiovisuel, vous savez qu'après l'heure, c'est plus l'heure en radio. Oui. Vous avez une minute pour... l'horloge est là, oui. Pour répondre à ma question. Est-ce que vous pensez que cette méthode, qui consiste à prendre les informations des lanceurs d'alerte et à les filtrer par un consortium international de journalistes, est vraiment la bonne méthode, qu'on a trouvé la bonne méthode? Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est une méthode remarquable. Ah, parce que pour la première fois, les journalistes ne font plus, narguent plus de leur spécificité, de leur orgueil d'écriture, ils se mettent en commun. Et ça, c'est une force absolument géniale. D'avoir bravé ces interdits idiots de ne pas collaborer ensemble dans un même effort, c'est d'autant plus indispensable qu'aujourd'hui, les choses se passent à un niveau international, mondial, et qu'il faut pouvoir y répondre avec une force unie, fragile, mais unie. De gouvernance mondiale de journalisme. Merci infiniment. À vous. Bouzili. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le bagagiste de Roissy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Vincent Désir.